Vatican, Vatican, c'est Maroc, Zanide comme Maroc, t'es la revue droit au tripolin sous moi. C'est un sous-entendu, écoutez de Jésus, c'est la vodka du diable, n'a jamais insatiable. Ton bistrot expansif, une bise trop trop vif, un Covid anonyme, il est très vite intime. Oh,